Petit bico, tu n'es qu'un petit oiseau entre mes mains. Qu'est-ce qui m'empêche de t'écraser la tête? Rien, rien, vraiment rien ne m'empêche, je peux te torturer tant que je veux et ainsi te t'achever. Personne ne dira rien. Tu es dans un pays où les bicons ne valent rien quand ils laissent par erreur. On joue avec et ensuite on les crève et on les jette. Jouer avec les bicons. Nous voulons l'immunité. En cas de mort du bicon, nous voulons nous amuser avec le dernier bicon. Ouvrez la porte du zoo. Qu'on se fasse le bicon. Chassez le négro, allez-y, tuez, petit bico, tu n'as pas eu de chance.